À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée et du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, les séminaires sur les exploits des grands leaders coréens ont eu lieu en Grande-Bretagne et en Ouganda, et la séance de lecture en Guinée. Y ont pris part les personnalités et les habitants des pays hôtes. Les orateurs y ont indiqué que le Parti du Travail de Corée est l'organisation politique et révolutionnaire de type Tutsi, héritière des traditions glorieuses de l'Union pour abattre l'impérialisme, et ont exalté les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il pour l'édification et la direction du parti. Par ailleurs, à l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée et du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, le directeur général de la maison d'édition Mit Talmo et le directeur de l'Institut d'homothérapie de Myanmar ont publié respectivement un entretien les 1er et 3 octobre.